analyse d'autres dessins depuis d'ailleurs. Oui, bah, comme il a continué à suivre, mais effectivement, c'est un dessin d'époque. Enfin, il dessinait déjà depuis le début des années 70. Donc le projet est abandonné plus ou moins à la fin des années 70. Il disparaît un peu des radars. Mais le Conseil général, lui, n'abandonne jamais le projet et continue à faire jouer son droit de préemption. Et en 1994, il est déjà propriétaire de 850 hectares du terrain, au moment où le projet commence à revenir de manière plus insistante de nouveau dans l'espace public, sous l'impulsion notamment de Jean-Marc Ayrault, maire socialiste de Nantes. Alors que les trois piliers du projet au cours des trois premières décennies étaient le Conseil général de Loire-Atlantique, le Conseil général d'Ille-et-Vilaine et les chambres de commerce et d'industrie de Nantes et de Saint-Nazaire, un nouvel acteur monte effectivement dans la gouvernance locale au point de devenir le chef de file du projet. Et donc ce nouvel acteur, c'est la métropole nantaise, avec deux poids lourds qui tirent un peu le projet, donc Jean-Marc Ayrault et son premier adjoint, Patrick Maréchal, qui prendra aussi la tête du département plus tard. Et ils se convainquent tous les deux que la métropole nantaise a impérativement besoin de ce nouvel aéroport pour pouvoir se développer et devenir le centre de rayonnement de l'ouest de la France. Ce n'est qu'en 2000, toutefois, que le projet d'aéroport est réellement ressorti des cartons par le gouvernement. Le 26 octobre, Lionel Jospin donne un avis favorable relançant les études et les procédures administratives qui avaient été abandonnées quand même depuis les années 70. Un syndicat mixte d'études de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, regroupant une quinzaine de collectivités, dont les régions Pays de la Loire et Bretagne, les départements d'Ille-et-Vilaine, de Loire-Atlantique, du Morbihan, etc., est constitué en janvier 2002 pour participer avec l'État au pilotage du projet. Un débat public a lieu donc entre décembre 2002 et 2003, qui conclut sans surprise que la création d'un nouvel aéroport est une nécessité. Et donc en octobre 2003, le gouvernement, bon, qui est passé à droite entre-temps, mais ça ne change rien, le gouvernement donne son accord de principe au projet, qui est donc lancé officiellement. L'enquête d'utilité publique a lieu en 2006. La commission d'enquête publique donne un avis favorable, quelques mois plus tard, donc le 13 avril 2007, avec toutefois des réserves et des recommandations, des réserves assez lourdes quand même, les commissaires enquêteurs s'inquiétant d'un lourd tribut pour l'environnement et l'agriculture. Malgré ces réserves, la déclaration d'utilité publique est publiée au journal officiel le 10 février 2008. Et le 28 décembre 2010, la concession du futur aéroport est attribuée au groupe Vinci pour une durée de 55 ans. Et à l'époque, la mise en service du nouvel aéroport est prévue en 2017. Ce qui semble aujourd'hui fort compromis, et on va voir pourquoi, parce qu'une opposition s'est levée au cours des années 2000. Donc, la validation des différentes étapes scientifiques, administratives et politiques s'est faite sur un rythme déterminé, sinon rapide. Pourtant, aujourd'hui, rien ne semble réglé et définitif, voire le projet semble assez compromis. C'est que parallèlement à la concrétisation du projet, s'est mise en place une opposition de plus en plus résolue et protéiforme. Donc des anarchistes aux associations de défense de l'environnement comme la FNE ou la Ligue pour la protection des oiseaux, en passant par Europe Écologie Les Verts, le Parti de gauche. À gauche, seul le Parti socialiste, le Parti communiste et de manière de moins en moins assurée, voire plus du tout aujourd'hui, l'Union démocratique bretonne défendent le projet. À droite, si l'UMP soutient le projet également, les centristes ont un avis plus sceptique, voire hostile, le MoDem et l'UDI s'étant prononcés contre le projet. Donc, dès 2000, est réactivée l'ADECA, qui est l'association historique, mais qui avait été mis en sommeil pendant 20 ans. Mais cette association paysanne ne suffit plus par rapport aux années 70 pour mener la résistance. Les paysans, qui étaient jusqu'alors seuls en première ligne pour lutter contre le projet d'aéroport, sont rejoints dans les années 2000 par des urbains. La sociologie de la région, du territoire s'est modifiée au cours des 30 années. Il y a moins d'agriculteurs que dans les années 70. Et donc, l'association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, ou ASIPA, on dira ASIPA, est donc créé le 16 novembre 2000 et devient le fer de lance de la contestation au projet d'aéroport. Donc NASIPA, dès 2000, travaille à informer la population et à organiser la contestation, misant sur le dialogue, le respect de la loi et les règles démocratiques. La NASIPA sollicite un débat public, qu'elle obtient. Une bonne partie des habitants et des associations y participent, de même qu'à l'enquête d'utilité publique qui suivra. Mais la déception est grande, donc, comme je l'ai déjà dit, ces deux moments de débat ont débouché sur une confirmation du projet, alors même qu'une majorité des parties prenantes y étaient opposées. Donc, face à cela, la NASIPA met en place tout un répertoire d'actions où les procédures juridiques ont un poids très fort, donc étudié par Griem, si je ne me trompe pas, et qui participent efficacement à freiner le projet. Donc depuis la relance du projet, les recours administratifs et juridiques se multiplient contre la déclaration d'utilité publique, contre le décret de concession à Vinci, etc., la plupart du temps à l'initiative de la NASIPA. Mais les débats et les procédures juridiques ne suffisent pas. La NASIPA met en place, dès sa création, une opposition plus directe pour occuper le terrain et se rendre visible dans l'espace public. Donc dès le 24 juin 2001, un premier pique-nique festif et contestataire réunit environ 1500 personnes. De même, le 25 juin 2006, près de 4000 personnes participent à une gigantesque fresque humaine pour dire non à l'aéroport. Mais c'est le début des forages en 2005 qui ouvre une nouvelle étape, celle des affrontements directs, et qui provoque l'émergence d'une radicalisation et d'un élargissement géographique du conflit, qui était jusqu'alors très local. En juin 2005, une centaine d'opposants rassemblés par l'ADK bloquent les machines. Forages et tentatives de blocage, parfois réussies d'ailleurs, se poursuivent dès lors au fil des années, ce qui provoque en réaction un déploiement militaire qui aussi va en augmentant au fil des mois. Et en face, les opposants mettent en place une chaîne téléphonique pour rameuter les opposants dès que la foreuse arrive sur le terrain. Donc ce qui crée une ambiance qui change quand même radicalement à partir de 2005, avec une vraie confrontation qui se met en place et qui permet d'expliquer aussi comment les choses vont évoluer par la suite. Donc, comment est-ce qu'on revient ? Donc en 2007, effectivement, une frange plus radicale de la contestation émerge, donc qui s'intitule le groupe des habitants qui résistent, constitué sur la base d'un désaccord avec l'opposition légaliste, qu'il qualifie de citoyenniste, et notamment avec la NASIPA, avec la volonté cette fois de refuser tout compromis, donc de ne pas rentrer dans le système, contrairement à la NASIPA, qui utilisait les règles du jeu qui existaient, et d'exprimer une critique globale du système, donc qui permet la mise en œuvre de nouveaux aéroports. Il revendique et assume de nouveaux moyens d'action, et tout particulièrement l'occupation illégale des terres et des maisons de la ZAD. Et donc le 15 août 2007, ils ouvrent le Rosier, qui est la première maison squattée sur la ZAD, et donc qui sera détruite en 2012. Parallèlement, l'opposition légaliste se réorganise aussi, se restructure en mettant en place la coordination des associations opposées à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui rassemble aujourd'hui plus d'une trentaine d'organisations, qui ouvre de son côté un lieu également, donc appelé la Vacherie, donc ouvert le 8 décembre 2007, qui pour le coup n'est pas un squat, c'est un bâtiment qui a été mis à disposition par un paysan de Notre-Dame-des-Landes et qui deviendra un lieu symbolique et de rassemblement de l'opposition au projet d'aéroport. Donc voilà la Vacherie, où se tiennent très régulièrement les réunions de la NASIPA, les réunions diverses liées à l'opposition à l'aéroport. Donc avec l'apparition du décret d'utilité publique en 2008, la mobilisation se durcit. La NASIPA, s'écartant des méthodes classiques de protestation, lance à son tour un appel à occuper les maisons la ZAD est rebaptisée zone à défendre. Et bien que l'information circule, les nouveaux arrivants, pour l'instant, sont peu nombreux. Nous ne sommes pas encore dans l'occupation de la ZAD, telle qu'on le verra après. Il faut en effet attendre le grand moment de la semaine de résistance et du plan d'action climat du 1er au 9 août 2009 pour que l'occupation de la ZAD commence réellement, pour qu'elle s'intensifie, pour que de nouveaux habitants arrivent. Donc, moment fort de la mobilisation, le rassemblement d'août 2009 suscite l'installation de nombreux nouveaux habitants qui commencent à occuper les maisons abandonnées depuis la préemption du Conseil Général, voire, dès ce moment-là, à construire des cabanes jusque dans les arbres, voire sur les étangs. Il s'agit d'y vivre, mais aussi d'y lutter. Donc des bouts de terrain commencent à être défrichés et transformés en potagers. Clairement, ceux qui s'installent à ce moment-là affirment qu'ils s'installent pour durer. Donc ils mettent en place toute une micro-société contestataire et solidaire autour des mots d'ordre d'autogestion et d'autosubsistance. D'où leur tentative aussi pour cultiver ce qu'ils consomment. Donc la ZAD, à partir de 2009, devient le lieu de convergence des militantismes radicaux, donc qui commencent à dépasser largement le niveau local, et des répertoires d'actions plus radicaux en découlent, des entartages par exemple, notamment de Jean-Marc Ayrault le 26 mars 2011, aux violences contre les permanences du PS, ou aux occupations des chantiers de Vinci. L'élargissement de la lutte reste malgré tout lent et limité au-delà des milieux écologistes et alternatifs. Ce n'est même qu'en février 2011 qu'une structure nationale de coordination de la lutte est mise en place, donc où vraiment la lutte contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes prend une dimension nationale. Et c'est enfin avec l'arrivée de Vinci comme concessionnaire et surtout avec la nomination de Jean-Marc Ayrault à Matignon que la contestation prend une dimension nationale affirmée. Et il faut même attendre un autre moment fort, à l'automne 2012, qui est l'opération César qu'on va voir maintenant, pour que Notre-Dame-des-Landes intègre de manière durable et marquante la une de l'actualité. Donc, cet événement, pour le coup, personne n'a pu l'éviter, tellement il a dominé l'actualité pendant presque 2 mois. Donc, au cours de l'automne 2012, le conflit de Notre-Dame-des-Landes est en effet placé sur un autre niveau. Souhaitant commencer la construction de l'aéroport avant la fin de l'année, l'État, donc sous la pression de Jean-Marc Ayrault, qui est désormais Premier ministre, décide de lancer une opération d'expulsion des lieux d'occupation illégale sur la ZAD et qualifie bizarrement cette opération d'opération César. Le 16 octobre, gendarmes et CRS investissent la ZAD, évacuant 150 ZADistes de 11 sites occupés illégalement. L'objectif est de détruire les cabanes et maisons squattées, de faire place nette pour les travaux, mais à l'évidence, ils ne s'y attendaient pas. Une résistance acharnée des ZADistes se met en place immédiatement avec le soutien de l'ensemble du mouvement d'opposition au projet d'aéroport, qui se ressoude face à ce qui est vécu comme une agression. Autre problème, les images télévisées sont largement mises en avant. Images télévisées de l'expulsion de la zone, avec des photos de pelleteuses démolissant les bâtiments, secouant les arbres de la forêt de Roanne pour en faire chuter les cabanes. Toute image largement diffusée qui incarne aux yeux du grand public la violence de l'État contre des militants imaginés comme pacifiques et utopistes. Donc, face à l'opération César, se met en place l'opération baptisée avec ironie « Opération Astérix ». Les jeux de mots sont faciles. Veni, vidi, vinci, veni, vidi, reparti, etc. Donc, les résistants jouent la carte de l'humour avec succès. Et la résistance, en outre, est réelle, se concrétisant par l'érection de nombreuses barricades défendues jour et nuit, de murs de défense, de palissades en bois, de fosses traversant même certaines routes, etc. Le tout prenant une forme de guérilla bocagère entre champs, bois et sentiers. Le 17 novembre, entre 13 500 et 40 000 opposants participent à une manifestation de réoccupation du site. Et le point d'orgue de ce rassemblement est la construction de cabanes sur un nouveau site, la Châtaigneraie, qui est rebaptisée La Châtaigne, donc soit écrit comme ça, soit avec un tiret entre chat et teigne. Et une semaine, donc, ici on voit quelques images de ce grand rassemblement donc, du 17 novembre, donc qui commence par une manifestation, mais qui se poursuit par la mise en place et la reconstruction de nouveaux bâtiments et l'inauguration de la châtaigne qu'on voit ici, et dont on peut deviner sa notaverne, qui deviendra un peu le centre de la résistance au projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, enfin le centre zadiste de cette résistance. Mais une semaine plus tard, le 23 novembre, la réponse est violente. 500 gendarmes participent à une nouvelle opération d'évacuation, donc après celle du 16 octobre, où les tirs de grenades lacrymogènes et de flashballs blessent une centaine d'opposants. Par sa démonstration de force, l'État perd la bataille médiatique et donc de l'opinion. Les comités de soutien se multiplient dans toute la France, dépassant la centaine en un mois et atteignant le nombre de 200 au cours de l'année 2013. Ce qui force finalement le Premier ministre à reculer, à annoncer la mise en place d'une commission de dialogue entre les deux camps, laissant entendre qu'il n'y aurait plus d'opération de police avant la remise du rapport de cette commission. Donc en décembre, l'opération César est de facto terminée. C'est un échec. Échec d'autant plus grave qu'elle a notamment eu pour résultat de faire affluer de nombreux nouveaux habitants sur la ZAD, qui passent de 150 avant l'opération César à 300 à la fin. 300 qui sont déterminés à reconstruire ce qui a été détruit et ils s'activent à reconstruire des maisons, des lieux d'habitation et même à ouvrir de nouveaux lieux qui n'existaient pas avant ou qui étaient à l'abandon avant. Et donc, bon, depuis 2013 et 2014, ont été ponctués par rassemblements réguliers pour maintenir la dynamique et reconstruire la ZAD. On peut mentionner par exemple une opération SEMTAZAD au printemps 2013, donc projet agricole destiné à remettre en culture des champs et donc à valoriser l'autonomie alimentaire de la ZAD. De même, printemps 2013 encore, une chaîne humaine encercle les 25 km du site, rassemblant entre 12 000 et 40 000 personnes. Pareil, avec un objectif territorial de bien de montrer qu'ils sont assez nombreux pour délimiter territorialement la zone de la ZAD. Et bien évidemment, plusieurs week-ends festifs et militants, l'été, tous les étés bien entendu, mais également l'hiver, par exemple, en janvier 2013. Et donc, tout au long de ces mois, se met en place une micro-société zadiste qui occupe de manière permanente le territoire prévu pour l'aéroport. Et donc qui le fait vivre, parce que avec les préemptions et les expulsions ou les agriculteurs prenant leur retraite, petit à petit, le territoire avait perdu ses habitants d'origine. Et la micro-société zadiste, qui est radicalement différente de la société de Notre-Dame-des-Landes des années 70, se concrétise dans l'occupation de plus d'une trentaine de lieux, donc qui va de la petite cabane en pleine forêt à la maison abandonnée et réoccupée, en passant par des vieux camping-cars ou des hameaux, même de petites maisons en bois. Chaque lieu a sa particularité, son identité, sa propre vie, comme le précisent les zadistes. Il n'y a jamais eu et il n'y aura pas d'entité zadiste occupante ou squatteur, soudée et homogène. Par exemple, les plus radicaux sont réputés se regrouper au Far West. Je ne sais pas si on pourra voir ici, donc on voit les différents Les petites étoiles sont les différents lieux d'occupation. Donc les plus radicaux sont réputés se regrouper au Far West. Aux Fosses Noires, par exemple, on fait du pain le mardi et le jeudi. Au Sabot se met en place un grand jardin maraîcher collectif. Mais deux lieux ont une importance particulière, donc la Vacherie et la Châtaigne. Donc la Châtaigne, comme je vous l'ai dit, elle avait été investie au moment de l'opération Astérix. Elle est menacée d'expulsion depuis et est surtout dédiée à l'accueil collectif avec sa maison dortoir, sa salle de réunion, son atelier, nos tavernes, sa cuisine collective, etc. Donc c'est un lieu crucial de ressources et d'organisation de la ZAD. Des assemblées régulières des occupants de la ZAD y ont lieu, même si l'assistance n'est pas toujours très nombreuse. Donc là je cite, « Les réunions du jeudi ne sont pas le parlement de la ZAD, ni un comité central de gestion. Elles ne veulent pas prendre de décision pour ceux qui ne s'y trouvent pas. Elles n'aspirent pas à, et ne pourraient de toute façon pas, prendre en charge la vie de la zone. » C'est ce qu'expliquent les zadistes. L'objectif de cette châtaigne est de permettre aux habitants de penser le commun, d'échanger sur ce qui les réunit, de dépasser les individualismes et les spécificités de chaque lieu et de chaque groupe. De fait, il y a un rejet absolu au sein de la ZAD de toute forme d'organisation hiérarchisée ou centralisée, dans un mouvement qui prône l'autogestion, la liberté de chacun et l'échange des compétences. Venu pour prendre part à la lutte contre l'aéroport, les zadistes y voient avant tout un moyen de s'opposer, donc là je cite, au mythe de la croissance et du progrès, au productivisme et au salariat. Un autre monde est possible, estime-t-il, et celui-ci surgira non de réformes venant d'en haut, mais d'une multitude d'espaces d'autonomie comme la ZAD. Il prône donc explicitement une révolution par en bas. Donc l'autre grand lieu et la Vacherie, donc, qu'on voit ici, qui est un bâtiment agricole prêté par un agriculteur, où se retrouvent tous les 15 jours, ou de manière plus irrégulière, l'ensemble du mouvement d'opposition au projet d'aéroport. C'est donc un lieu privilégié d'échange entre les zadistes et les militants de l'extérieur, à 6 pas, etc. C'est aussi un lieu de stockage et d'échange, donc friperies, caisses de médicaments, dons divers venant des comités de soutien et qui aident finalement les zadistes aussi à pouvoir vivre en quasi-autarcie parce qu'il y a justement cette aide extérieure qui leur arrive et qui transite souvent par la Vacherie. Donc je ne sais pas combien de temps il me reste. Il te reste un quart d'heure, si ça suffit, si c'est bon. Oui. Ouais, parce qu'on peut débattre après. Ouais. Donc maintenant, quels sont les arguments de ce mouvement social? Les arguments de part et d'autre ont changé au fil du temps, ont changé au fil des acteurs, et ceci dans les deux camps. À la base, donc comme on l'a vu, il s'agissait d'accueillir le Concorde, puis de délester les aéroports parisiens, ou un aéroport de Nantes Atlantique saturé, puis enfin de préserver la sécurité des Nantais. De l'autre côté, les raisons idéologiques de s'opposer à un aéroport de Notre-Dame-des-Landes sont également fondamentalement diverses, à la fois au fil du temps et au fil des acteurs. Pourtant, tout au long des 40 années de débat, les arguments se sont structurés autour de thématiques limitées et relativement stables. Donc, trois arguments principaux ont motivé la réalisation d'un nouvel aéroport. Donc, la saturation de Nantes-Atlantique, le développement du Grand Ouest, et enfin l'amélioration de l'environnement des Nantais, notamment au niveau sonore. En face, les raisons principales qui ont motivé l'opposition sont la préservation de terres agricoles fertiles, deuxièmement la défense d'un territoire bocager et humide, écologiquement riche et fragile, enfin, troisièmement, l'opposition à ce qui est considéré comme la gabegie financière d'un grand projet inutile. Donc la saturation de Nantes Atlantique est l'argument qui revient de manière la plus insistante. Nantes Atlantique serait le grand aéroport régional français dont la croissance du nombre de passagers a été la plus rapide, avec une croissance moyenne ces dernières années de 7%. Or, avec une seule piste insuffisamment longue en outre pour accueillir de gros porteurs en liaison régulière, les perspectives de développement sont désormais limitées. D'où le besoin d'un nouvel aéroport avec deux pistes capables d'accueillir même des A380. Les opposants restent sceptiques sur ces arguments, et notamment concernant l'accueil des avions gros porteurs, alors que la longueur des pistes actuellement prévues à Notre-Dame-des-Landes, 2900 mètres, est la même que celle de la piste qui existe déjà à Nantes-Atlantique. Donc, plus globalement, l'argument de la saturation de Nantes-Atlantique a été très vigoureusement combattu par les opposants, et ceci bien au-delà des franges contestataires. La comparaison est souvent faite avec les aéroports de Genève en Suisse et de San Diego en Californie. Par exemple, malgré son unique piste, Genève a su accueillir 13 millions de voyageurs en 2012. Et San Diego, même avec une seule piste également, a vu passer 18 millions de passagers la même année, soit 5 fois plus que Nantes Atlantique, qui en 2012 avait accueilli 3,5 millions de voyageurs. Et comme on le voit sur la carte, qui n'est pas une carte des opposants, les perspectives de développement sont faibles, parce que le trafic cumulé de tous les aéroports de la région au sens large ne dépassait même pas les 2 millions en 2011. Donc, on voit, ces arguments sont mis en place, y compris par des tableaux lors de rassemblements, donc ici en Notre-Dame-des-Landes, où on voit le fameux chapiteau typique des grands rassemblements de l'été. Donc le deuxième argument des promoteurs de l'aéroport est que la création d'un nouvel aéroport moderne provoquerait un vrai appel d'air pour le développement de l'ensemble du Grand Ouest, échelle territoriale à laquelle les promoteurs voient l'aéroport. Il s'agit, et ceci depuis les origines du projet, de renforcer le rééquilibrage des infrastructures de transport en faveur de la Basse-Loire pour y créer un pôle économique de niveau européen. Ceci dit en passant, c'est aussi cette dimension régionaliste du projet qui a attiré l'Union démocratique bretonne, au moins jusqu'à récemment. Ainsi, pour Alain Sebel, donc conseiller municipal UDV, refuser un grand aéroport international en Bretagne, c'est persister dans un modèle centraliste bien dépassé, c'est s'enfermer dans le sous-développement économique. Donc de l'autre côté, cette rhétorique laisse sceptique, voire inquiète, de nombreux acteurs économiques et politiques. Donc les zadistes, ils ne réagissent pas sur ce genre d'argument, là c'est plus des acteurs beaucoup plus institutionnels. Par exemple, donc Thierry Masson, des pilotes de ligne opposés à l'aéroport, et explique qu'il n'a jamais été constaté qu'un aéroport allait générer une économie nouvelle, a fortiori lorsque l'outil correspondant existe déjà. De même, dans le Finistère, le futur aéroport inquiète y compris les acteurs patronaux, qui estiment que l'aéroport viendrait encore amputer l'aire commerciale des aéroports de Brest et Quimper, et risquerait de renforcer le déséquilibre breton en faveur de l'axe Rennes-Nantes, et donc au détriment de toute la partie occidentale de la Bretagne. Plus gênant encore pour les promoteurs, dans une étude économique consacrée à la France et parue en mars 2013, l'OCDE estime que l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes risque de représenter une charge pour les générations futures, dès lors qu'il ne serait pas rentabilisable. Enfin, troisième argument, et qui a été de plus en plus mis en avant ces dernières années, de part et d'autre d'ailleurs, l'argument le plus mis en avant ces dernières années est d'ordre environnemental. Le transfert sera en effet rendu nécessaire par l'orientation de la piste de Nantes-Atlantique, qui est dans l'axe du centre-ville et qui oblige les avions à survoler l'agglomération nantaise. En plus de générer des nuisances sonores, ce serait un véritable danger pour la population. On peut imaginer effectivement les conséquences d'un accident. De fait, alors que 41 000 personnes sont exposées aux nuisances sonores actuellement, seuls 900 le seraient dans l'hypothèse d'un transfert à Notre-Dame-des-Landes. Donc si les opposants reconnaissent la réalité de ce problème, ils le minimisent en soulignant d'une part que le périphérique à lui seul fait plus de bruit que l'aéroport. Donc le collectif de pilotes de ligne doutant de la pertinence du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, déjà cité, ajoute que des trajectoires alternatives de décollage et l'arrêt des vols de nuit sont possibles. Depuis 2003, enfin, et surtout, les opposants au projet de transfert défendent l'idée d'une deuxième piste à Nantes, Atlantique, dans un axe qui permettrait d'éviter le survol de Nantes. Pour les opposants, au contraire, c'est le transfert de l'aéroport qui poserait un problème environnemental grave. Ils estiment ainsi que la construction de l'aéroport et des infrastructures associées prendra la place de 2000 hectares de terres agricoles et d'environ 80 fermes. Une agriculture dynamique et un des derniers paysages bocagers du département disparaîtraient. De fait, tout le paradoxe de la mise en place de la ZAD dès les années 70 est qu'il a sanctuarisé l'endroit depuis 40 ans, qui n'a dès lors pas subi le remembrement ni le mitage, ce qui en fait aujourd'hui à la fois un réservoir de paysages et un réservoir de biodiversité, parce que plus ou moins tout un espace a été gelé et est resté à l'état où il était, ça fait 40 ans. Et c'est d'ailleurs cette question environnementale qui aujourd'hui menace le plus sérieusement la possibilité de construire l'aéroport, et notamment la loi sur l'eau. Celle-ci exige notamment que toutes les mesures de compensation pour l'eau soient effectuées dans le bassin versant où les travaux se font, pour que la rivière touchée soit le mieux conservée possible. Or, les destructions sont aussi si importantes, explique le naturaliste Jean-Marie Dréan, que les pouvoirs publics ont d'ores et déjà annoncé qu'ils ne respecteront pas ces réglementations parce que c'est impossible, et qu'ils ont le projet d'appliquer leur compensation dans les bassins versants d'autres rivières, ce qui ne correspond pas ni à l'esprit ni à la lettre de la loi. L'enquête publique au titre de la loi sur l'eau avait malgré tout émis un avis favorable en 2012, sous réserve que les experts indépendants apportent leur caution scientifique. Or, problème, les experts indépendants nommés ont depuis émis un avis défavorable au projet, ce qui a amené le juriste Raphaël Romy à conclure « Le rapport dit très clairement qu'on ne peut pas faire l'aéroport à cet endroit. » Donc pour conclure provisoirement, comme tout mouvement social de grande ampleur, Notre-Dame-des-Landes révèle un conflit entre deux visions du monde, entre deux conceptions de l'avenir qui dépassent le cas précis de l'aéroport. Imaginé dans les années 1960, le projet d'aéroport repose sur l'idée que la croissance économique reviendra et que la région doit disposer d'un équipement aéroportuaire susceptible de participer à l'élan économique espéré, que cet équipement aéroportuaire même devrait pouvoir être la locomotive de ce redémarrage économique de l'ouest de la France. De l'autre côté, les opposants, et notamment a fortiori les zadistes, estiment que nous vivons actuellement non une crise, mais une métamorphose de notre société, provoquée notamment par la raréfaction des ressources non renouvelables, telles que le pétrole. À leurs yeux, donc, la croissance ne reviendra pas, et construire un nouvel aéroport est totalement inutile. À leurs yeux, c'est un monde nouveau qu'il faut réinventer, et c'est ce qu'ils essayent, affirment-ils, de faire à leur échelle. Concluons enfin que Notre-Dame-des-Landes, comme tout grand conflit social, se caractérise par l'articulation de plusieurs territorialités relativement harmonieusement complémentaires. Donc tout d'abord, Notre-Dame-des-Landes, c'est un conflit local autour de la ZAD, avec donc des occupants locaux, donc les zadistes, et des opposants locaux, notamment la CIPA. Mais la dimension du conflit est aussi, dès le début, de niveau régional. C'est aussi un conflit régional d'aménagement où s'oppose à côté le développement du Grand Ouest contre ce qui prône au contraire un aménagement plus équilibré de la Bretagne, et donc qui sont contre un déséquilibrage de la Bretagne vers l'Est. Enfin, c'est aussi un conflit qui s'inscrit dans un cycle mondial de lutte contre les grands projets inutiles, qui va de la vallée de Suse à Sivens, comme ça nous a été rappelé récemment. Et donc les zadistes, notamment tout particulièrement, mais même la CIPA, s'inscrit aussi dans cette mouvance de lutte de niveau mondial. Et d'ailleurs, les zadistes ne sont pas toujours enfin les 150 ou 300 ne restent pas en permanence dans la ZAD. Et il n'est pas surprenant justement qu'on ait recroisé des zadistes de Notre-Dame-des-Landes à Sivens. Donc voilà. Merci pour votre attention. Merci beaucoup. Bon, il nous reste donc... merci beaucoup, hein, tu as fait vraiment bien dans les créneaux. Donc il nous reste à peu près une heure pour débattre. Je vais aller chercher d'autres cafés, il y a d'autres cafés. Et donc... merci. Pour ceux qui s'intéressent, j'avais publié une première version de ce travail-là dans Armen, donc j'en ai amené, vous pouvez prendre si vous voulez. C'est le numéro. C'est le numéro 197, donc ça fait un an. Ouais. Mais bon, là c'est en distribution pour ceux qui veulent. Moi, je voulais relancer un peu l'aspect territorialité. Je crois que vous êtes satisfait de votre analyse de la territorialité dans la mesure où j'ai l'impression que localement, en fin de compte, il n'y a pas la résistance locale, genre Namby, vous comprenez Namby, hein, bien sûr, c'est pas très fort, quoi. Ça me semble plutôt un conflit presque international, quoi. Plus global que local. Voilà, je voulais juste relancer comme ça, peut-être d'autres choses plus précises que moi. Effectivement, ce n'est pas un conflit comme Plogoff, par exemple, où vraiment, Plogoff, c'est à partir de là que j'avais vraiment fait un travail sur la territorialisation des mouvements sociaux, où à Plogoff, vraiment de manière très claire, on voit trois niveaux de territorialité qui s'articulent de manière très forte, avec un niveau local, donc le village de Plogoff lui-même et les trois villages environnement, mobilisés par les habitants eux-mêmes, donc par le maire Jean-Marie Kerlor et par le comité de défense de Plogoff, qui menait la lutte localement, et personne d'autre de l'extérieur n'avait le droit de mener la lutte localement, qui s'appuyait sur une mobilisation régionale symbolisée par les comités locaux d'information nucléaire, donc les fameux CLIN, qui avaient donné une dimension bretonne à ce conflit, donc une dimension bretonne qui se caractérisait par une solidarité militante, mais aussi par un discours presque identitaire qui avait transformé le conflit de Plogoff en un conflit breton. Et enfin, effectivement, il y avait cette dimension idéologique internationale de la lutte antinucléaire qui est amenée au fur et à mesure de l'accroissement de la lutte de Plogoff à être une lutte symbolique de tout le mouvement antinucléaire dans les années 70 jusqu'en 1980. Et on ne retrouve pas effectivement ce schéma-là à Notre-Dame-des-Landes. Les zadistes viennent quand même pour la plupart, en tout cas au début du Grand Ouest en général. La CIPA, l'ADK, ce sont quand même des militants locaux qui pour la plupart habitent quand même dans un rayon de 20-30 km de Notre-Dame-des-Landes. Ce ne sont pas non plus... Parce que c'est vrai que les défenseurs du projet ont essayé de présenter les opposants comme des pièces rapportées, en gros des contestataires professionnels qui viendraient soit des bobos de Nantes, soit des gens qui viendraient d'encore plus loin pour mettre en place leur contestation. C'est quand même pas ce que j'ai observé. La CIPA ou la DECA est quand même animée souvent dans une large partie par des militants locaux. Mais après, contrairement à Plogoff, il n'y a pas effectivement toute une population locale soudée contre le projet d'aéroport. Après, au niveau régional, j'ai essayé d'interroger quelle était l'importance de la dimension bretonne de ce conflit. Donc il y a une dimension bretonne, comme on le voit, il y a Résistance qui est indépendantiste, a été quand même assez actif, contrairement à l'UDB par exemple, qui ne l'a pas été, qui a donné une coloration bretonne, mais contrairement à Plogoff, ce n'est pas un élément déterminant de la lutte de Notre-Dame-des-Landes. C'est une coloration comme Sylvestre pourrait éventuellement avoir une coloration occitane, mais ce n'est pas ce qui détermine l'identité de Notre-Dame-des-Landes. Voilà. Quelles sont les délibérations des conseils municipaux de Vigneux et de Notre-Dame-des-Landes Au moment où les différentes instances avaient été sollicitées pour apporter leur soutien, toutes les instances qui participaient financièrement au projet avaient soutenu. Vigneux et Notre-Dame-des-Landes, je ne me rappelle plus, là, peut-être que Griem saurait, qui a étudié cette dimension de manière beaucoup plus précise. Oui, il est occupé avec les tasses. Donc par rapport à la position des municipalités de Notre-Dame-des-Landes et de Vigneux-de-Bretagne, est-ce que tu en sais plus? Je ne me rappelle plus en fait. Ouais. Je pense que les municipalités avaient pris position contre l'aéroport, mais je devrais vérifier en fait. Pour autant que je sais, le maire de Notre-Dame-des-Landes est membre de la CIPA. Oui, donc, a priori, au moins, Notre-Dame. Oui, ça change. C'est difficile d'apprécier, parce que c'est sur 40 ans. J'avais une question par rapport. Vous avez fait référence à Plogoff, et moi, ma question en vous écoutant, c'était la référence au Larzac. Parce que, j'imagine énormément de ressemblances quand on vous écoute, et en particulier cette question des arrivants de l'extérieur, et puis des gens qui se réalisent, donc ça, je trouve ça, c'était sans doute à l'époque nouveau, puis on le trouve ici. Ce qui m'avait paru au Larzac, je ne sais pas si ça apparaît dans le théâtral, c'est qu'il y avait des forces sociales quand même qui se structuraient, et il y avait à l'époque des prises de position des syndicats ouvriers qui pourtant n'avaient pas grand chose à faire ni de la guerre du Larzac, ni des questions de défense et d'armement, pour avoir les deux parties prenant du conflit. Est-ce que vous avez vu là apparaître d'autres, enfin des prises de position de force sociale voilà. Effectivement, je trouve que Notre-Dame-des-Landes, il y avait beaucoup de monde, hein. il y avait des forces sociales représentées, je ne me rends pas compte. Dans les grands rassemblements? Oui, par exemple. Oui, c'était vraiment très divers. Ça allait des écologistes, donc la Confédération paysanne, oui, les syndicats ouvriers, beaucoup moins. Je ne les ai pas rencontrés en tout cas, ça ne m'a pas marqué. Mais, La FNSEA? Comment? La FNSEA, comment elle se... Et puis SEA, comment elle se positionne? Il y a des militants FDSEA qui sont impliqués contre, mais je ne pense pas qu'il y a une position officielle de la FDSEA. Il y en avait une sur la Larzac, ils avaient fini par en prendre. C'est pour ça que je te demande ça. Par contre, effectivement, le conflit ressemble beaucoup plus à ce qui s'est passé au Larzac qu'à Plogoff, y compris dans les tensions entre les habitants locaux. Donc l'ADK, c'était vraiment les agriculteurs locaux. À la base, où il y a eu effectivement des conflits similaires avec les zadistes, conflits qui ont été un peu atténués à partir du moment où, à partir de 2008-2009, où ça s'est, où la pression de l'État a été plus forte, mais qui est restée par exemple en 2013, lors du grand rassemblement d'août, qui était organisé par la CIPA. Au même moment, les zadistes avaient organisé un rassemblement qui avait été interdit par le maire de Notre-Dame-des-Landes, qui à l'époque était, je pense que c'est toujours le même, était un des animateurs de la CIPA. Donc on voyait quand même une exaspération de la part de la CIPA vis-à-vis des zadistes. Et pareil, les zadistes qui qualifient la CIPA de citoyenniste, qui veut dire en gros des réformistes qui respectent les règles, qui participent au système en fait, donc qui ont des propos très durs aussi, mais bon, globalement ils ont appris à travailler ensemble. Il y a quand même beaucoup de personnes qui savent être entre les deux, y compris des militants historiques comme Tarin, etc. Donc et qui se retrouvent à la vacherie. L'importance de la vacherie a été aussi de permettre, parce que la vacherie est située géographiquement dans la ZAD, mais c'est un lieu qui est animé avant tout par la CIPA, est un lieu de rencontre entre les deux mouvances. Donc il n'y a pas de rupture non plus comme, comme on pourrait l'imaginer. Comme il y a eu par exemple de rupture, une rupture à Creys-Malville pour un autre conflit antinucléaire, qui, ou aussi qui n'avait pas réussi à faire la dynamique de Plovov et où en gros les opposants extérieurs et les habitants locaux finalement n'avaient jamais réussi à dialoguer, ce qui avait abouti à l'échec du mouvement. À Notre-Dame-des-Landes, on n'en est pas là. Pour continuer un petit peu exactement là-dessus, je me demandais, tu te souviens de, peut-être que Gilles Simon, qui vient venir justement sur Plovov, nous avait expliqué comment à Plovov, enfin il nous a expliqué la construction progressive de l'identité militante de la population locale. Au départ, c'était des NIMBY, quoi, not in my backyard. Et puis après, progressivement, ils ont une conscience écologiste qui émerge. Et puis, ils deviennent vraiment des mouvements, des militants écologistes qui vont rencontrer les gens du Larzac, qui vont animer d'autres luttes après. Donc, il y a ça d'un côté chez les gens de Plovov. Alors, est-ce qu'on voit ça chez les. Est-ce que tu as pu interviewer des gens de donc des locaux, des agriculteurs, et voir un petit peu quelles étaient leurs motivations. Et puis d'autre part, toujours par rapport à ce que tu disais, tu dis donc finalement, il n'y a pas une rupture. Moi, j'avais aussi un peu l'impression que, justement, je me réfère à Plovov. À Plovov, le mouvement était contrôlé par la population locale. Là, ce n'est pas le cas. Et donc tu dis qu'il n'y a pas une rupture. Mais donc les zadistes, est-ce que tu sais un peu, est-ce que socialement, tu pourrais les décrire, leurs origines, est-ce que tu sais d'où ils viennent, est-ce que, voilà. Ça, c'est important. Voilà, deux questions. Les zadistes, comme tu t'en doutes, je n'ai pas pu faire une étude sociologique sur les zadistes, mais globalement, ce sont des gens un peu comme, comme les gens qui ont... Enfin, souvent, d'ailleurs, ils viennent du mouvement des squats de Rennes, par exemple, qui... Est-ce que c'est les mêmes qu'on va retrouver ici, par exemple, à Rennes, quand il y a l'occupation de Rennes avec les... Oui, voilà. Beaucoup. Ouais. Oui, beaucoup, justement. D'une part, c'est des gens qui circulent. Souvent, les animateurs des squads rennais, c'était des étudiants, et souvent des étudiants qui réussissaient dans leurs études, au sens où ils étaient souvent à Sciences Po ou en master, etc. Donc, c'est pas des gens qui sont... en rupture sociale, c'est des gens qui, par exemple... Idéologique, pas en rupture sociale. Oui, qui sont en rupture idéologique, ça, pour le coup, oui. Par exemple, c'est à peu près les mêmes gens qu'on retrouve sur le plateau des Mille Vaches, ou qu'on retrouve... sociologiquement, bon, après, vu que j'ai pas fait une étude précise, parce qu'ils répondent pas beaucoup à ces questions-là, mais bon, pour... Ils n'ont pas plus de 30 ans, ils ont... Ils ont quel âge ? Parce que moi, j'ai vu l'autre jour un portrait d'Éric Pététin, là, pour Sébastien. Alors, je me disais, c'est quand même... j'imagine que c'est très jeune. Oui. Bah, j'ai été surpris de voir que ce n'était pas que des jeunes, en fait. Il y avait aussi des quinquagénaires. Même des gens qui avaient... Ça veut dire que c'est une bonne partie de la Donc, oui. Après, sur la ZAD, il y a aussi... beaucoup de gens qui viennent pour un mois ou pour deux mois et qui repartent après dans leur vraie vie. Quoi. Faut pas penser qu'il y a 150 personnes qui restent là en permanence. Il y a un noyau stable, mais il y a aussi une circulation. Des gens qui viennent vivre une expérience, tu veux dire ? Ils le diraient pas comme ça, mais peut-être qu'on peut oui, le voir comme ça. Ouais. Parce qu'il y avait... Il y avait eu un reportage très bien qui a été fait justement, qui interviewait beaucoup de zadistes et qu'on peut trouver sur internet, hein, qui montrait l'extrême diversité des gens qui venaient, mais qui en tout cas, qui se confiaient, qui montraient que c'était pas des gens désocialisés du tout, c'était vraiment des personnes, donc bon, il y avait beaucoup de jeunes, mais aussi des... Par exemple, un boulanger qui venait pendant trois mois, qui faisait du pain sur place, et qui revenait après dans son... c'était quelqu'un qui venait du centre-ouest Bretagne, et qui revenait dans son centre-ouest Bretagne. Quoi. Enfin, c'était une expérience, mais des gens qui voulaient participer aussi à la vie locale. Et au niveau du genre, de la représentation de genre, c'était assez mix, en fait. Oui, c'est assez mix. Ouais. Ils ont choisi un prénom là qui est androgyne. Oui, Camille. Ouais. Ouais. Je pensais que c'était intentionnel. Ah oui, ça c'est intentionnel à la fois parce que c'est passe-partout et puis parce que justement ils essayent pas de se mettre en avant. Ils sont très hostiles à toute volonté de personnalisation. Et ce qu'on retrouve aussi à Sivens actuellement, il n'y a pas de porte-parole officiel, il n'y a pas d'animateur officiel, il n'y a pas. Dans leur organisation, idéologiquement, c'est une société horizontale où chacun est l'égal de chacun, où les relations qu'ils ont, c'est plus sur l'ordre de l'ordre du partage entre égaux. Chacun a des compétences et qui les donne aux autres. Quoi. Et la première partie de ma question sur les agriculteurs, les locaux, tu as eu l'occasion de discuter un peu avec eux, voir comment ils construisaient éventuellement leur identité. Les locaux, donc l'ADK dans les années 70 a été animé à la base, constitué par des agriculteurs qui venaient des paysans travailleurs, donc ils avaient déjà une idéologie. J'ai l'impression que ça n'a jamais été purement NIMBY. Déjà, dès le début, je ne sais pas si tu as vu autre chose, mais dès le début, parmi les agriculteurs, il y avait déjà certains qui avaient une réflexion idéologique plus poussée sur le territoire, sur l'agriculteur, etc. Même si, bien entendu, tout au long, il y a, que ce soit à l'ADK ou à la CIPA, il y a une dimension NIMBY, mais qui en soi n'est pas illégitime, mais qui n'a jamais été un discours purement NIMBY, qui a toujours. Il y a eu une montée en généralité quand même assez rapide. Quoi. Vous parliez des squats, du phénomène de squat. Sur la question du territoire, donc, c'est intéressant de voir en quoi Notre-Dame-des-Landes est un peu l'aboutissement de toutes les nouvelles formes de radicalité qui ont émergé en fait, dans les années 70, 80, 90. Et quand on compare avec Plogoff et le Larzac, d'un côté, il y avait déjà cet esprit un peu d'occupation du territoire, ça, mais qui était finalement beaucoup moins puissant. Si je ne me trompe pas, Plogoff, il y avait juste un berger qui était sur le site, le futur site. Alors que là, c'est. Et peut-être, moi je me demande, est-ce qu'il y aurait un lien éventuellement avec, dans les années 70, il y avait un gouvernement du coup, de centre-droit, Bachelard-Pin, et l'espoir que si Mitterrand arrivait au pouvoir, le projet serait abandonné. Et c'est ce qui s'est passé concrètement. Alors que là, le fait peut-être que ça soit un gouvernement de gauche qui mette le plus la pression sur ce projet, est-ce qu'il n'y a pas dans cette idée de territoire un peu déserter la politique pour vraiment investir le politique et l'investir sur un territoire vraiment concrètement? Un peu l'idée du squat, c'est de ne plus demander quelque chose dans un sens aux institutions, mais déjà faire comme si ça n'existait plus et construire vraiment l'alternative. Enfin, est-ce que c'est un phénomène qui est plus soit une émergence de ce qui s'est passé dans le monde des squats des années 80? Et du coup, la comparaison avec Plogoff et le Larzac, à la fois, elle est. Il n'y a pas le point, en effet, on trouve des comparaisons, mais rien, c'est, j'ai l'impression que cette notion de territoire est utilisée différemment, en fait, et plus radicalement, et plus investie politiquement. Mettons que là, en l'occurrence, c'est les zadistes. Mais il ne faut pas non plus penser que les zadistes représentent l'ensemble du mouvement. C'est la frange la plus radicale, celle effectivement qui est installée sur place et qui est. Mais bon, la CIPA n'est pas. Et les autres organisations sont dans une optique beaucoup plus réformiste. Effectivement, les zadistes, eux, leur idéologie provient directement un peu du mouvement squat. Tel qu'on a pu le voir, par exemple, à Rennes au début des années 2000, où ils sont dans une... Et tel que ça a été théorisé plus tard, au moment de Tarnac, etc. Un Américain, un anarchiste américain, qui avait écrit un livre dans les années 90 sur les... Il parlait des zones d'autonomie temporaire. Oui, mais c'est ça leur source idéologique, ces zones d'autonomie temporaire. Et la ZAD, c'est pour eux une zone d'autonomie temporaire. Ils rêvent d'une... Ils théorisent en gros un archipel de zones d'autonomie temporaire dont fait partie les différentes ZAD qui existent, comme à Notre-Dame-des-Landes, comme à Sivens, comme à les notables dans la vallée de Suse en Italie, comme des lieux qu'ils occupent, que ce soit à Tarnac, etc. Rennes 2, c'était typiquement ça il y a 5 ans. Hein. C'est une zone d'autonomie temporaire qu'ils cherchaient à mettre en place. Hein. Et ils ont beaucoup de. Même il y a des. C'est souvent des squats. C'est une vraie émergence, une politisation nouvelle du territoire dans les radicale, en fait. Comment ? Et c'est là que c'est intéressant sur la question du territoire, en fait. L'importance que ça prend dans les nouvelles radicalités, en fait, des années 90-2000, comment le territoire devient vraiment un outil de construction politique, enfin, idéologique aussi, politique, oui. Représentation vraiment des idées dans les faits. Sauf que c'est un territoire quasi dématérialisé au sens où c'est, ce sont des endroits très ponctuels. Mine de rien, Annie de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, c'est plutôt quelque chose d'énorme par rapport à ce qui... à ce qu'on trouve dans ces mouvances en général. Souvent, c'est des squats qui ont la taille d'un bâtiment. Là, c'est un squat...